Nous voici rendus à la deuxième séquence du cours sur l'économie du web. La séquence précédente a été l'occasion de placer notre sujet à la croisée de différents courants de l'économie et aussi dans les sciences de l'information. Cela a été l'occasion pour vous et pour nous aussi de tester les outils. Comme vous l'avez sans doute constaté, nous avons eu quelques soucis avec les serveurs de PAD. Il nous est impossible de rester sur ces difficultés. Aussi, nous utiliserons dorénavant Google Doc pour les travaux collectifs, même si cela ne m'enchante guère. Ces difficultés nous ont retardés et je n'ai pas eu le temps de boucler le bilan de la première séquence. Et je m'en excuse, mais pas d'impatience, il sera en ligne d'ici quelques jours. Pour cette nouvelle séquence, nous entrons dans le vif du sujet avec un texte à annoter sur les particularités économiques des biens informationnels. Il s'agit vraiment des bases du cours. Prenez le temps de le lire attentivement. Vous pouvez évidemment la noter et surtout, je vous propose ensuite de classer des citations selon ces particularités. Cela présage de bonnes discussions entre vous car le classement n'est pas toujours évident. L'objectif est notamment de vous permettre de lire l'actualité du web avec le recul de cette analyse. En effet, bien des événements, bien des débats et des prises de position résultent de ces particularités, plus ou moins bien comprises par les acteurs. Néanmoins, comme vous le découvrirez aussi dans cette séquence, l'industrie du web a des caractéristiques banales, des caractéristiques de toute industrie. Par exemple, concernant ses dépenses énergétiques. De quoi alimenter une nouvelle fois nos débats. Donc, eh bien, bonne lecture, bonne discussion et au plaisir de vous lire bientôt.